L'ombre, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'ombre. À Madame la Marquise de Bloqueville. Nous marchions tous les deux dans un jardin rempli de douces souvenances, séparés maintenant, autrefois amoureux. Il était entre nous d'anciennes confidences. Je voulais lui parler, je ralentis le pas. « Mon ami, me dit-elle, mettons-nous sur ce banc que vous voyez là-bas. » Un tilleul le domine avec sa verte ombrelle. « Je vous écouterai, si tel est votre vœu. » Tant que l'ombre qui le protège pourra nous abriter contre un soleil de feu. Mais ce moment passé, nous nous dirons adieu. Nous nous assîmes donc sur le rustique siège. Je me mis à causer, elle écoutait ma voix. Mais elle n'avait plus l'encourageant sourire qui rendait ma parole éloquente autrefois. Je ne disais jamais ce que je voulais dire, et pourtant, je parlais de tout dans mon discours, des premiers entretiens d'elle, toujours. De moi, peut-être aussi, l'amour est égoïste, et je m'occupais d'elle en lui parlant de moi. Elle restait tranquille et triste. Triste, je le comprends, mais tranquille, pourquoi? Nous avions devant nous toute notre jeunesse, et je lui montrais le chemin où nous avions scellé l'éternelle promesse, avec un serment de main. Et puis je dissertais sans méthode et sans suite. Se peut-il qu'on oublie et si bien et si vite? Et quoi, cet entretien si longtemps demandé, cet entretien suprême, vous me l'avez ici, tout à l'heure accordé. Vous ne craignez donc rien de moi, ni de vous-même? Non. Vous, avec raison, je suis dépossédée. Vous êtes à l'abri de toute défaillance, et vous me prodiguez, ici même, en mes bras, une outrageuse confiance. Je pris sa main ne tremblait pas. Oh, restez, vous pouvez me la laisser sans crainte, mais non pas sans remords. L'âme que j'ai connue est à jamais éteinte. Et vous, ne pleurez pas. On pleure sur les morts. Mais qu'ai-je dit? Non, non, c'est impossible. Voyez, l'arbre bien-né produit le fruit vermeil. Le cœur qui fut aimant ne peut être insensible. Il a comme le corps ses moments de sommeil. Un jour, n'est-il pas vrai qu'il reviendra fidèle? Mon ami, me dit-elle, le terme est expiré. Nous sommes au soleil. Elle s'enfuit, elle me laisse, et je reste seule à songer. Combien le temps a de vitesse, et comme le cœur peut changer. Fin de l'ombre, enregistrée par Margot.